9h30, grosse journée taf qui s'annonce en tout point identique à la précédente. 3 quarts d'heure plus tard, je m'enfonce dans le siège de la Fiesta Essence. Bachelet sans mention, pas de Pierre Bachelet, mais du tout pas Camaro en fond, loin de l'époque où je ramassais l'oseille sans effort. Ces journées entières à tenir les murs sous DSP ou Belfort. Les petites marues me prennent pour un exemple, une légende. Non, j'ai même plus les chevilles qui enflent après ton entorse. Au règlement, ma routine réglée comme une horloge. Travail, famille, sport et musique. Dans la poche intérieure de mon 3/4 en cuir, pas de liquide ni de calibre, juste un larfelé avec permis et carte de crédit. J'arrive à l'usine, j'enfile ma blouse grise, stéréo Bluetooth sur les oreilles pour masquer le bruit de machine. Machinalement, je répète les mêmes gestes, les mêmes consignes. La routine qui donne le tempo de ma vie, la route tourne à son rythme et je suis du bon côté de celle-ci. Quoi qu'en disent les guides, je vis simplement et ça me suffit, à l'écart du coup près de la justice. Profit généré par la vie, dru à qui ça profite, à part l'avocat et le juge en sursis jusqu'à ce que la justice fasse son œuvre à l'écart de la street. J'ai pris une autre route pour faire mon beurre. J'ai souvent entendu y'a pas de petit profit. Demande aux multirécidivistes combien elles ont pris. Le code de la rue ne réclame aucun permis. Un loup parmi les loups relâché pour bonne conduite. 17h30, journée finie, je me gare sur le parking en bas sous les arbres, les jeunes teasent et se moquent tranquille comme si c'était permis, comme je le faisais dans le temps avec toute ma clique. Toutes vos histoires de bise, ne m'en parlez plus, je traîne plus dans la street, je cours plus derrière la thune. Loin des mandats de dépôt, des numéros d'écrou, je remplis le frigo en taffant 8h par jour. Y'a de l'écho sur mon portable, y'a de l'écho sur mon portable. Problème de réseau plus probable qu'une mise sur écoute. Croyez-moi, je connais trop bien cette attitude de coupable. L'engarnement pas, j'observe la street d'un œil averti, car mes fils d'ici peu vont venir fouler l'asphalte. Vécu de l'ASCA, mes squatteurs de la place en bas, chaussée d'Air Max, savent de quoi je parle. Savent de quoi je parle, savent de quoi je parle. Éphémère profit généré par la vie, dru à qui ça profite, à part l'avocat et le juge en sursis jusqu'à ce que la justice fasse son œuvre à l'écart de la street. J'ai pris une autre route pour faire mon beurre. J'ai souvent entendu y'a pas de petit profit. Demande aux multirécidivistes combien elles ont pris. Le code de la rue ne réclame aucun permis. Un loup parmi les loups relâché pour bonne conduite. Éphémère profit généré par la vie, dru à qui ça profite, à part l'avocat et le juge en sursis jusqu'à ce que la justice fasse son œuvre à l'écart de la street. J'ai pris une autre route pour faire mon beurre. J'ai souvent entendu y'a pas de petit profit. Demande aux multirécidivistes combien elles ont pris. Le code de la rue ne réclame aucun permis. Un loup parmi les loups relâché pour bonne conduite.